Salut les amis, alors avant de lancer cet épisode avec Wallace, je voulais vous dire qu'on a eu quelques petits soucis à l'enregistrement. On a parlé par Skype, en fait, il était en Côte d'Ivoire et moi en France, et donc vous vous en doutez, hein, il y a quelques petits problèmes de réseau malheureusement en France. Non, voyez, vous avez pensé à la Côte d'Ivoire, c'est très raciste de votre part, je suis vraiment déçu. Non. Très honnêtement, je vous assure que je pense que le problème venait de moi, en fait. Mon réseau à moi était pas ouf. Donc voilà, en tout cas, il y a des moments où on se parle, du coup ça se superpose, le son baisse un peu. Je suis vraiment désolé. Ça reste audible, hein, bien évidemment, mais je suis désolé. C'est le jeu avec Skype. C'est pile ou face. On peut très bien tomber sur un enregistrement parfait, comme on peut tomber sur des enregistrements vraiment très très très difficiles. Voilà, malheureusement, c'est compliqué. En tout cas, je pense que l'épisode devrait vous plaire. Voilà, c'est un humoriste hors pair. C'est un storyteller, mais incroyable, vraiment, son histoire. L'histoire principale qu'il m'a racontée, je ne vais pas vous spoiler, mais l'histoire principale qu'il m'a racontée, elle m'a vraiment vendu du rêve. Elle est géniale. Et vous allez prendre du plaisir à l'écouter, j'en suis sûr. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il fait et à aller le voir sur scène dès que vous en aurez l'occasion. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Wallace. Yo, Sofiane, comment ça va? J'aime bien ta phrase d'accroche. Merci. Ben, ça va super, merci à toi. Ben, écoute, ça va, hein, franchement, au top du top. On est à fond dans le ramadan en ce moment. Et ramadan, Covid, deuxième année, on commence à s'y habituer. C'est ça. Oui, donc toi, tu es en Côte d'Ivoire. Alors en ce moment, je suis en Côte d'Ivoire, effectivement. D'accord. Et ça va du coup, il fait pas trop chaud là-bas pendant la journée pour le ramadan et tout? Alors il fait chaud à l'extérieur, c'est pour ça que je reste à l'intérieur. Pendant le mois de ramadan, je bosse beaucoup moins, du coup j'essaye de prendre ce mois-là pour me reposer. Donc j'accepte vraiment pas de contrat pendant ce mois-là pour pouvoir le consacrer aux jeunes, au fait de rester à la maison, de faire des activités de maison, etc. Oui, bien sûr. Bah, et puis, ça te permet de te faire aussi des vacances, même si en ce moment, avec le Covid, on est un peu tous en vacances, quoi. C'est ça. Enfin, des vacances sans être des vacances, hein. Ah, mais totalement, c'est des vacances, mais des vacances forcées qu'on n'a pas demandé. Et puis, normalement, les vacances, tu les prends quand tu as envie. Et là, c'est des vacances imposées, quoi. Hélas. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est bien, c'est moi qui te remercie, Soufiane, de m'avoir contacté. Ça me fait plaisir. En plus, je suis beaucoup ce que tu fais. Je te suis sur ta page sur Facebook. Donc, je regarde un peu ce que tu fais. J'ai vu aussi ton parcours, tes histoires avec le bus. Donc, je suis assez informé. Merci beaucoup pour ton soutien et c'est un honneur de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Ce podcast donc qui est sur les galères et les anecdotes de scène, tout ça justement, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Je vais te raconter ma plus grosse, ma première arnaque, première fois que je me suis fait arnaquer en tant qu'humoriste. Je suis invité à jouer au Niger, d'accord? Et donc je pars avec deux artistes d'ici. Donc on est trois personnes qui allons représenter la Côte d'Ivoire. Et puis j'arrive, donc le promoteur qui nous fait venir, je vais taire son nom pour des raisons qui sont tout à fait évidentes. Judiciaire. Même pas judiciaire, parce que j'ai pas voulu aller loin dans cette histoire, mais j'aurais pu aussi, moi, rentrer en justice contre lui, etc. Mais tu sais, en Afrique, les choses ne se règlent pas de cette façon-là. Les choses se règlent de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. On se parle plus tard, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça, etc. Mais je vais te raconter l'histoire du début jusqu'à la fin, et tu vas voir, ça va te scotcher. J'arrive donc, je suis avec deux humoristes, dont un diabétique qui doit prendre son insuline tous les jours à 6 h du matin. Donc, c'est vraiment pas le genre de personne à qui il faut faire des sales coups. Les gens diabétiques, c'est assez compliqué, tu vois. Oui, bien sûr. Et on est dans l'avion, ils me disent, voilà, si tu connais bien ce promoteur-là. Je leur dis, écoute, ouais, je le connais, il est venu en Côte d'Ivoire une paire de fois. On s'est rencontrés, on a discuté, donc ça va, je le connais. Et il me dit, bon, ok, bah, écoute, parce que pour le paiement, il nous a rien envoyé. Normalement, ils sont censés envoyer, tu vois, on est censé envoyer un acompte avant de quitter le pays pour pas justement se retrouver dans des situations où tu es face à un arnaqueur. Donc, le gars, on avait convenu avec lui qu'à l'aéroport, il nous donnait le premier acompte. D'accord? Donc, on arrive à l'aéroport, le mec, il arrive lui-même nous chercher, accueil royal, des 4x4 de malades, limite, il manquait juste le tapis rouge. D'accord? Merci. Bien sûr, on nous fait rentrer, ça c'est la totale, on nous fait rentrer au salon présidentiel pour attendre. Y a un flic qui vient récupérer les passeports pour aller les faire tamponner, prendre les coupons talons bagages pour aller nous chercher nos bagages. On était en train de boire un café et après on nous a dit, venez, vous allez partir. Bien sûr, je ne te raconte pas l'histoire. Hein. On arrive, reçu les artistes de Côte d'Ivoire dans des Porsche Panamera. Bon, on se dit, le mec, c'est impossible qu'il nous fasse un sale coup. Il nous amène dans un hôtel de dingue. Alors, pour l'histoire, on va appeler le mec Moussa. D'accord? Il ne s'appelle pas vraiment Moussa, mais on va l'appeler Moussa. Donc, il nous amène dans l'hôtel. Et puis là, je l'appelle et je dis, Moussa, viens, il faut qu'on se voie. C'est comment les gars ont besoin de la compte. Il me dit oui, alors t'inquiète, je vais pas oublier. Rentrez vous reposer. Le spectacle, c'est ce soir à 20h30. Ils auront leur compte avant les 20h30. Je dis ok, très bien. Donc je rassure les humoristes qui rentrent, ils prennent leur douche, ils répètent. Les gens super motivés. Et puis ils se préparent. 17h, aucune nouvelle de notre ami Moussa. Je l'appelle, il répond pas. 18h, 19h, on est à 1h30 de jouer. Et les gars me mettent la pression à moi. Ils me disent, ouais, c'est comment, ton gars, il n'a rien dit, on est là, on l'attend. Je dis, écoutez, les gars, j'arrive vraiment pas à l'avoir. C'est très, très compliqué. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, ils ne vont pas venir nous chercher sans nous donner la compte. Et vu que dans le contrat, ils devaient donner la totalité avant qu'on monte sur scène, on ne parlait plus de la compte. Là, on parlait de paiement. 20h30, où le spectacle est censé commencer, on n'a pas de nouvelles de Moussa. Je l'appelle. Vers 21h15, Moussa m'appelle. Il me dit, voilà, ça va, écoute, excuse-moi, j'étais dans 54 000 trucs, vous ne pouvez pas imaginer. On est full de chez full, le palais des congrès, c'est 3 000 personnes, d'accord? On est extrêmement blindés. Je dis, c'est très bien tout ça, Moussa, on est super content, mais dis-moi, il n'y avait pas un accord entre nous qui n'a pas été respecté? Ça commence à un peu énerver des gars. Les gars sont en train de me mettre la pression à moi. Il me dit, ah ouais, mais t'inquiète, moi je vais vous donner la totalité. J'arrive chez vous à l'hôtel. J'y occupe très bien. Donc je dis au gars, c'est bon, le gars m'a appelé, il arrive à l'hôtel, il va nous donner la totalité. 22h30, 23h, aucune nouvelle. Normalement, le spectacle, il est censé être fini à cette heure-là. Notre Moussa ne donne pas de nouvelles. Je dis, est-ce que Moussa, il n'est pas en train d'essayer de nous la mettre à l'envers? Donc, je le rappelle. Moussa, il ne me répond pas. 1, 2, 3, 4. Minuit, minuit 30, c'est-à-dire qu'on est censé avoir fini de jouer depuis très longtemps. Minuit 30, il m'appelle, il me dit, écoute, voilà, c'était ingérable, on a dû gérer des gens, vas-y, c'est bon, regarde, je t'envoie le chauffeur, montez avec lui, venez à la salle et on va vous régler avant que vous montiez. Donc Mais je lui dis, mais Moussa, dis-moi, le spectacle, il n'était pas censé commencer à 20h30. Il me dit, ah oui, mais t'inquiète pas, ici à Niamey, c'est comme ça. Quand on dit 20h30, les gens savent que ça commence à minuit. Je lui dis, mais les gens, ils continuent de venir. Il me dit, ah, mais là, c'est blindé, il n'y a plus de place, etc. Vous inquiétez pas, juste venez. Je dis, ok, let's go. Je parle aux artistes, je leur dis, bon, voilà, apparemment, c'est comme ça. Un parmi les artistes avait déjà joué au Niger, il m'a confirmé que c'est comme ça que ça se passait, que les gens allaient à des spectacles très tard le soir. Parce que pour eux, un spectacle, ça dure toute la nuit. Donc, c'est un événement. Avant nous, il y avait 54 premières parties. Donc, les gens étaient déjà en train de rire pendant 3 heures. C'est assez spécial comme projet, comme concept, mais c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. On arrive, et puis notre ami Moussa est là à la porte. Il nous attend. Il nous prend dans les bras. Vous, vous êtes bien reposés. Mes artistes serrent un peu la mine. Ils disent, frérot, tu ne nous prends pas un peu pour des cons, là? Donc, on essaye de rester calme, etc. Il nous fait rentrer chez la directrice du Palais des Congrès, qui prend des photos avec nous, et il nous dit, allez vous mettre au backstage, j'arrive tout de suite avec l'étude. On va au backstage, l'animateur qui me voit annonce un des humoristes, qui s'appelle Ramatoulaye. Ramatoulaye me dit, moi, je ne rentre pas sur scène. Franchement, tant que je n'ai pas été payé, je ne rentre pas. Donc, l'animateur sort, il lui dit, Ramatoulaye, ne rentre pas. Il veut annoncer le deuxième lui dit pareil, je rentre pas. Sans prendre mon avis, il dit, avant Ramatoulaye, c'est le grand frère qui a voulu d'abord, lui, venir vous dire bonjour, mesdames et messieurs, voilà. Là, j'entends tout le public qui crie et je suis plus dans la capacité de faire marche arrière. Donc, je me dis, je suis déjà là, je vais m'amuser. Je rentre sur scène, je prends le micro et puis je passe 30 minutes. à rire avec le public. Et c'était super, commandant. J'ai pris mon pied, vraiment. Je sors, après 30 minutes, je sors, et puis je vais, donc l'animateur qui rentre, et je vais voir les autres comédiens, je leur dis, alors ça a été réglé? Ils me disent, il n'y a rien qui a été réglé, ton mec, ton gars, il se fout de notre gueule, franchement, voilà, on n'est pas très content, etc. Je leur dis, écoutez, ça y est, il n'y a plus de d'issue, bah maintenant, on va aller prendre notre pied, et puis faire plaisir à ces gens-là qui ont quand même payé leur place pour venir. Et puis on ne sait jamais, peut-être quand on va finir, on sera payé, vous inquiétez pas. Mais là, on est déjà sur place, ça sera une expérience, ça sera quelque chose qu'on pourra raconter un jour. Moi, je me suis amusé, prenez votre pied. Donc, il y en a un qui accepte de jouer le jeu. Il rentre, il prend le micro, il éclate le public. Le deuxième le rejoint sur scène. Moi, je l'ai rejoint. Et on fait un spectacle de 3 heures. Wow. Ouais, le spectacle, il a fini vers 2h30, 3h du mat. Donc, on a fait 2h30, 3 heures de show. On sort de là, les gens sont partis, photos, etc., tout ce que tu connais. Et puis, on part, donc, on cherche notre ami Moussa, qu'on ne trouve plus nulle part. Donc, je vais voir je vais voir la directrice du Palais des Congrès. Bien sûr, il y avait 2 500 personnes. Hein. Je vais voir la directrice du Palais des Congrès. Au moment où on rentre chez elle, avant qu'on lui dise quoi que ce soit, elle nous dit, dites-moi, vous n'avez pas vu Moussa? On lui dit, bah non, on venait vous poser la même question, pourquoi? Et là, elle nous explique parce qu'il serait temps qu'il paye quand même la salle. Oh mon Dieu. Quand on lui explique que nous aussi, on est dans la même situation, qu'on ne sait pas trop quoi faire, que voilà l'histoire, etc. Donc, elle est un peu déçue, certes, mais en même temps, elle se dit, que puis-je? Les artistes, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé, donc, que puis-je? Et elle nous met très tranquillement un chauffeur, parce que même notre chauffeur, il n'était plus là, bien sûr. Elle nous met très tranquillement un chauffeur qui nous dépose à l'hôtel. L'ancien chauffeur, il était peut-être occupé à extrader Moussa vers la Suisse ou... Mais alors, tu n'es pas très loin de la vraie histoire dans ta version. C'est qu'on arrive à l'hôtel et puis je leur dis, écoutez les gars, c'est pas grave, calmez-vous. C'est une expérience, etc. Ils étaient très en colère, mais en même temps, voilà, je leur ai dit, OK, vous êtes en colère, et ensuite, ça va changer quoi? On est déjà là. Oui, mais voilà, toi, tu nous avais dit que tu le connaissais. Je leur ai dit, non, non, je vous ai dit que je l'ai vu une paire de fois. C'est pas, je le connais, hein, je l'ai vu une paire de fois. Je sais pas qui c'est. J'ai appris, vous avez vu comment on a été reçu à l'aéroport? Vous auriez imaginé une seule seconde qu'il allait nous faire ça? Non, donc les gars, pardon, on est tous dans la même situation. C'est pas comme si moi j'avais été payé et que vous n'avez pas été payé. Bref, on a réussi à les calmer. J'appelle mon Moussa, bien sûr, toute la nuit, il ne répond pas. À un moment, il éteint son téléphone. Le lendemain, on doit quitter l'hôtel à 14h. Enfin, on doit quitter oui, l'hôtel à 14h, mais libérer les chambres à midi. Donc, je me réveille assez tôt. J'essaye de l'appeler depuis le matin, aucune réponse. Midi, on libère les chambres. On attend à la réception en se disant, est-ce qu'il va même nous envoyer un chauffeur? On prévient l'hôtel qu'on aurait peut-être besoin d'un taxi pour aller à l'aéroport, chose qu'il nous dit, il n'y a pas de problème et tout. Et Moussa m'appelle à 13h. Et là, je me dis, je leur dis, les gars, vous voyez, on l'a mal jugé quand même. Hein. Ça se trouve, il a juste eu un problème et vous allez voir, on va en rire quand il va nous raconter. Voilà, ça va, tu vas bien. Je dis, bah, écoute, ouais, je veux dire, tu crois pas qu'il y a un problème quelque part, frère, hier, c'est normal ce que tu nous as fait, pas de chauffeur. Il me dit, frère, j'étais avec la directrice du Palais des Congrès, mon téléphone a sonné, je suis sorti et on m'annonce que mon père est décédé. Là, je dis, waouh, quand même, c'est chaud, tu vois, ça se trouve vraiment, c'est ce qu'il me dit, c'est la vérité. Je peux pas lui en vouloir, tu vois, j'aurais été à sa place, je sais pas comment j'aurais réagi, j'aurais été tellement bouleversé que j'aurais même pas penser une seule seconde à laisser quoi que ce soit. Je dis OK. Il me dit je suis au Bénin. Donc c'est là l'histoire, c'est qu'il a été quand même extradé comme tu le disais. Donc il est au Bénin. Il me dit j'ai pris la route la nuit, je suis allé à Cotonou le soir, je suis au Bénin en ce moment. Je dis OK. Bon Moussa, comment ça se passe? Parce que il me dit ouais vous êtes à l'hôtel, vous devez quitter l'hôtel à quelle heure? 14h. Je vais essayer de vous trouver quelqu'un pour venir vous régler les cachets de tous les artistes. Et puis, je suis vraiment désolé et de vous amener aussi à l'aéroport. Donc, je dis OK, j'explique au gars. Et donc, tous, ils disent ah, le pauvre, etc. Bien sûr, on avance. Et puis, 14h arrive, on n'a personne. On essaie d'appeler Moussa, il répond pas, il répond pas, il répond pas. Et il rééteint son téléphone. Et là, je me dis, mais c'est vicieux quand même. Pourquoi est-ce qu'il m'a rappelé une fois pour me dire, tu vois, donc je me dis, il doit y avoir quelque chose. Bon, j'explique au gars, je leur dis, écoutez, au pire des cas, il nous fera des virements, ou bien il nous fera quelque chose, mais voilà l'histoire qu'il nous a racontée. Donc allons-y, c'est pas grave, accordons-lui le bénéfice du doute. Ils nous disent, OK, on sort de l'hôtel, et là, il y a le gars de l'hôtel qui nous appelle, et il nous dit, excusez-moi, vous ne pouvez pas partir, les chambres, elles ne sont pas réglées. Oh là On là là. dit. Donc, les gars, maintenant, commencent à me regarder, moi, mal, tu vois. Et ils me disent, frère, bon, maintenant, c'est toi qui vas nous régler ce problème, la vérité. Hein, parce que nous, on veut bien tout ce que tu as dit, là. On est d'accord, hein, on va attendre, on va lui accorder le bénéfice du doute, mais on ne va pas payer l'hôtel, frérot. Hein. Donc, j'appelle un pote à moi, qui est un Libanais, qui vient en Côte d'Ivoire et qui a de la famille à Niamey, au Niger, et puis je lui dis, écoute, voilà la situation dans laquelle on est. Il me dit, OK, pas de problème, c'est combien les chambres? Je demande la facture, on était dans du 2200 euros. Il me dit, c'est bon, vas-y, je t'envoie mon frère, il te paye tout de suite la facture. Il m'envoie son frère, il règle la facture de 2200 euros. On sort de là, on nous amène à l'aéroport, et là, nos trois billets d'avion annulés pour manque de paiement, les billets retour. Là, moi aussi, je pète un plomb, j'appelle maintenant, là, j'ai plus, franchement, père ou pas père mort, frère, c'était lui qui allait suivre le père, hein, parce que là, j'ai été hors de moi. Donc, j'appelle Moussa, j'appelle, il répond pas, il répond pas, il répond pas, et encore une fois, il me raccroche au nez. Et là, je pète un câble, je rappelle encore mon pote à Abidjan, je lui dis, écoute, voilà la situation. C'est combien les billets? On est dans du 1500 euros. Ok, voilà, je t'envoie quelqu'un pour payer. Le mec, il nous a payé près de 4000 euros. On prend l'avion, on rentre. Une semaine après, le Moussa ne me répond toujours pas au téléphone. Ah oui. Je me dis, tu as fait le deuil, vous l'avez enterré, tout ça, c'est fini. Bon, maintenant, parle-moi. Il ne me répond pas au téléphone. Là, vraiment, je suis très en colère et tout. Et puis, les jours passent. Et je laisse tomber l'histoire. Je laisse tomber. Et puis, les gars, quand on se voit en festival avec ces mêmes artistes, on en rigole. On le raconte, cette histoire, à tout le monde et tout ça. Et un jour, il y a peut-être 3 mois, 3 mois ou 4, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques années, une bonne, presque une dizaine d'années qui s'est déroulée après ça, tu vois. Ouais. Et Moussa m'appelle. Je réponds, mais vraiment juste pour savoir qu'est-ce qu'il va me dire. Et là, il me dit, voilà, ça va? Dis-moi, le 31 décembre, t'es disponible? Je te jure, Souviens. Il a vraiment l'Oscar de l'arrogance. Mais parce qu'il s'est dit, après 10 ans, voilà, il va pas forcément se souvenir de cette histoire. Les tensions seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basses après 10 ans. Quelqu'un qui t'a fait un coup comme lui, tu l'oublieras jamais. Évidemment. Ah, c'est terrible, terrible. Moi, j'ai fait comme si j'avais oublié le truc. En fait, j'avais calculé les billets d'avion, l'hôtel, mon cachet, et je crois que je lui avais demandé une somme assez, vraiment, qui me remboursait tout. Et Ouais. je lui avais dit, par contre, tu me payes à l'avance et je viens sans problème. Je pense qu'il avait fait le rapprochement en se disant, attends, mais ça ressemble quand même à ce que je lui devais. Ouais. Donc du coup, il m'a même pas rappelé, quoi. Bah ouais, je suis pas étonné, hein. Oh là là. C'est la malhonnêteté des gens, tu vois, des fois malheureusement, c'est quand même grave parce que là, il a pensé qu'à sa gueule, tu vois. Toi et les artistes, vraiment, je tiens à saluer votre professionnalisme parce que en vrai, vous avez eu totalement raison de monter sur scène ce soir-là. Tu sais, moi, au début, quand j'écoutais ton histoire, je me disais, j'aurais sûrement dit, ma parole, je monte pas. Je monte pas tant que j'ai pas d'argent, je mets pas un pied sur scène. Le public était là, le public vous attendait, le public y était Bah, pour, tu vois. je vais te dire, Sofiane, c'est le meilleur souvenir que je garde de ma carrière. C'était ce soir-là, très honnêtement. C'était Ouais. ce soir-là avec les humoristes, avec le public qu'il y avait. Et finir un spectacle, frérot, à 2h30, 3h du matin, pour moi, c'était déjà du jamais vu. Je crois que ce soir-là, j'ai dû faire une bonne heure d'improvisation. Tellement que j'étais bon, tellement que j'étais dedans. D'abord, mes premières 30 minutes que j'ai jouées, je les ai jouées. Je suis sorti, les artistes sont rentrés. Quand on les a rejoints, quand moi et un autre humoriste, on a rejoint celui qui était sur scène, d'abord c'était l'autre et ensuite c'était moi, on était là à improviser pendant plus d'une heure. Et pour moi, ça a été, je crois, la meilleure expérience de toute ma life, quoi. Ah, ben c'est quand même beau, ouais, finalement, ça équilibre un petit peu avec le sale coup que l'autre vous a fait. Mais vraiment, tu sais, il y a des gens, ils auront beaucoup à rendre aux autres, tu vois. Si on croit en Dieu, on peut dire que ce genre de personne-là va avoir beaucoup de comptes à rendre. Et franchement, c'est ignoble de faire ça. Mais au moins, vous avez votre conscience pour vous, tu vois, vous avez fait le boulot. Exact. J'imagine que maintenant, quand on te dit on te paye à l'arrivée, tu dis non, vous me payez avant que je... Exact, exact. Et du coup, c'est des gens très honnêtes qui se retrouvent à être obligés de subir ce que eux ils appellent des caprices de star, parce que nous c'est pas des caprices, c'est qu'on a un vécu que eux ils ne connaissent pas forcément, et ce vécu-là, bah il est juste pas, on n'a pas envie de le revivre. Moi, j'ai pas envie de repartir. Moi, aujourd'hui, quand on m'invite, je demande le billet aller-retour confirmé. Je veux le voir confirmé. Je demande le reçu de paiement de l'hôtel et la totalité de mon argent. Même pas la moitié. Je demande même plus la moitié. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup trop de demandes à leurs yeux, mais je leur dis, écoutez, il y a des choses que j'ai vécues que j'ai pas envie de revivre. Ah, mais vous savez, ça arrivera pas avec nous. J'aurais dit, parce que vous croyez que l'autre, il m'a dit, ah, fais gaffe à moi. Je dis, même lui, il m'a dit la même chose, frère. Moi, je vais te dire franchement, frérot, j'avoue que là, c'est un petit caprice de star quand même, je trouve, de refuser de te faire arnaquer de 4 000 euros à chaque fois. Franchement, On est d'accord. je comprends pas les gens parce que, alors après, ils pourraient t'attaquer toi si jamais ils te donnent l'argent et que finalement tu viens pas. Là, c'est normal. Faut qu'il y ait un contrat écrit. Oui, bien sûr. Un artiste ne le fera pas, Sofiane. Un artiste, c'est très difficile qu'un artiste se fasse payer et décide de ne pas partir à l'événement. Parce que, au final, la réputation de l'artiste, elle se fait. Les gens parlent beaucoup dans notre milieu, les gens parlent énormément et les gens vont dire, faites attention, ce gars-là, on lui a déjà envoyé de l'argent, il n'est pas venu. Ta carrière, elle s'arrête très rapidement quand tu fais ce genre de jeu. Donc, il n'y a pas d'artiste qui soit vraiment aussi con pour accepter d'encaisser un montant et ne pas aller à l'événement. Ça va trop vite. De la même façon que les producteurs, c'est quelque chose de très très violent quand un producteur est malhonnête, mais on le sait tout de suite. Moi aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, attention, si tu te fais inviter au Sénégal par une personne qui s'appelle Tan, n'y va pas. Il me raconte des trucs. Moi, Moussa, j'en ai parlé à tout le monde pour pas qu'ils y aillent. Bien sûr. Pour que s'ils les appellent un jour, qu'ils sachent à quoi s'attendre. Donc ça va très très vite dans ce milieu-là. Non, mais tu as totalement raison. Bah, du coup, vous, comme je te disais, vous avez votre conscience pour vous. Lui, ben, c'est une mauvaise personne. Il finira par le payer un jour ou l'autre. En tout cas, voilà. Mais merci beaucoup. C'est beau d'avoir cette philosophie de se dire que malgré cette grosse galère, tu as quand même réussi à en tirer le positif. Bah, tu vois, c'est ça le genre d'anecdote que j'aime. C'est quand vraiment c'est catastrophique, mais que derrière, il y a quand même du positif qui s'en dégage. Donc vraiment, merci beaucoup à toi, Roya. Et donc, tu avais une autre anecdote à raconter? Non, mais est-ce que toi, t'en as pas une à me raconter, par Ben écoute, qu'est-ce que je peux te raconter? Parce que moi, j'en ai pas mal des galères aussi. Faudrait que je réfléchisse. Alors attends, je vais juste jeter un œil vite fait à ma liste. Parce que contre? j'ai fait des petites listes, tu vois, des anecdotes que j'ai envie de raconter un de ces quatre. Et alors, qu'est-ce que je pourrais te dire comme anecdote? Ouais, une de mes premières galères, c'était à Paris quand j'ai joué la première fois mon spectacle. Je suis parti dans un café-théâtre. Super et tout, c'était vraiment génial, tu vois. Voilà, l'équipe, super. Et moi, je connaissais pas encore le timing du spectacle. J'ai joué en fait, et parce que moi, j'avais l'habitude, j'ai commencé à jouer à Bordeaux, et Paris et Bordeaux, c'est pas du tout la même chose. Paris, quand tu joues, si tu dois terminer dans. S'il y a un spectacle dans 1 heure, faut que toi, tu fasses 55 minutes, tu vois. Oui, exact, exact. Voilà. Et moi, je ne savais pas combien mon spectacle faisait. Pour moi, il faisait 1 h 10 à peu près, un truc comme ça. Mais je ne savais pas qu'il fallait surtout pas que je dépasse. Donc, je joue, je joue, je joue. Et à un moment, je regarde le régisseur. C'était un régisseur très, très sympa et tout. Je lui demande, je lui dis, c'est bon ou pas? Tu sais, je lui fais genre le signe du pouce, tu vois, genre c'est bon. Il me regarde, il me fait genre c'est bon, tu vois, du style, tu peux continuer. Donc, j'ai rajouté genre 10 minutes, tu vois, un truc comme ça. Et après, je sors, je termine, je dis, allez, merci beaucoup et tout, au revoir, je sors, je vois. Toute une foule qui attend, vraiment, toute la salle, elle était pleine. C'était un restaurant, un peu un bar-restaurant et tout. Tout le restaurant était plein et c'était le spectacle d'Ibaz. Ibaz, c'est un humoriste de Paris. Il est passé dans le podcast pour le Testing Joke avec Junior Simati. Et donc, Ibaz, il était là pour son. Il avait un spectacle en duo qui s'appelait Mariage Blanc, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il était là, genre, il m'a dit, ben voilà quoi, on vous attend depuis tout à l'heure. Et là, il y a une des responsables de la salle, c'est pas celle avec qui j'avais m'avait traité au départ, elle m'attrape, elle m'a agressé. Mais elle m'a agressé. T'es pas professionnel! Je dis, mais calme-toi. Je dis déjà, excuse-moi, je savais pas. Tu sais, si elle était venue me voir, si elle avait ouvert la porte et qu'elle m'avait dit, tu sais, elle m'avait fait un signe, tu sais, en tapotant la montre, tu vois, pour dire en gros, dépêche-toi. J'aurais fait, ah, pardon, excuse-moi et tout. Bon, ben, mais les amis, c'est terminé, merci beaucoup. Tu vois, j'aurais clôturé. Mais elle m'a rien dit. Et le régisseur m'avait dit que c'était bon. Donc, moi, j'ai fait confiance. Je lui ai dit, mais c'est le régisseur qui m'a dit que c'était bon. Elle me dit, c'est pas le régisseur qui décide. C'est moi. Elle me dit, à cause de toi, ça tente depuis tout à l'heure. T'es pas professionnel, Sofiane. T'es pas professionnel. Et moi, j'avais envie de dire, ça fait 2 jours et demi à peu près que je joue. Je suis pas professionnel, je le sais, tu vois. Je devais rejouer sur sa scène ouverte. Genre, ça s'est passé le jeudi. Et je devais rejouer sur sa scène ouverte le samedi. Elle m'a dit, et pour la scène ouverte, tu oublies. Je me suis fait virer. Mais après, et en plus, elle m'a fait ça devant mes amis, devant ma famille. Tu sais, ça me rappelle un truc, ce que tu es en train de me raconter. Ça me rappelle qu'un jour, j'étais à Dakar avec une humoriste de Paris. Qui est assez connu et qui me disait est-ce que ça te dirait d'aller jouer à Paris? Donc je lui dis ouais, bien sûr, avec grand plaisir, au contraire même, c'est un truc que je kifferais faire et tout. Elle me dit bah très bien, écoute, on était en octobre 2015, si je dis pas de conneries, d'accord. Elle me dit, quand est-ce que tu penses y être? Je lui dis, écoute, j'ai un événement mais il n'est pas encore trop sûr et tout, pour mai 2016. Elle me dit, bah, c'est bon, super, je te cale dans un café-théâtre d'une amie à moi. Alors, je vais taire le nom, il est très connu, le café-théâtre à Paris. Et donc, elle donne mon numéro à cette dame qui m'écrit sur Facebook et me dit, est-ce que tu viens en mai, etc. Je dis oui, donc pour moi, c'est un plateau, bien sûr, et tout. Je lui dis, normalement, oui, je suis censé venir en mai. Et elle me dit, bah, super, bah, tu viendras jouer dans mon café-théâtre. Tu es là, normalement, quand? Je lui dis, normalement, le 26 mai. Elle me dit, bah, parfait, on cale le 28 mai. Je lui dis, eh, bah, on cale le 28 mai. Et donc, on est en octobre, d'accord? Novembre, ouais. Décembre, janvier, février, on m'appelle. L'événement de mai que je devais faire, ça a annulé. Entre-temps, moi, j'ai complètement oublié que j'avais discuté avec une dame et que je devais jouer dans son café-théâtre, etc. Donc, bon, il me dit c'est annulé, je dis c'est annulé. Et puis, le 29 mai, je reçois un message sur Facebook de cette dame qui me dit la même chose. T'es pas professionnel, tu joueras plus en France. Je dis, mais madame, vous êtes qui? Je comprends pas. Elle me dit, ouais, et en plus de ça, tu me nargues. Je dis, madame, vraiment, il faut essayer de m'expliquer. Je pense que vous vous trompez de personne. C'est qui? Vous êtes qui? Elle me dit, vous n'êtes pas humoriste en Côte d'Ivoire? Je dis, si, mais ça, les gens le savent. Elle me dit, tu ne devais pas jouer à Paris? Je dis, ben non, je ne devais pas jouer à Paris. Je devais jouer en mai, je devais jouer là, il y a quelques jours, pour un événement, mais qui a été annulé depuis février. Elle me dit, oui, mais on avait convenu que tu allais jouer dans mon café-théâtre et on t'a même calé ton affiche. En fait, elle avait programmé mon one-man show. Mais frère, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 8 mois, faut peut-être qu'on en parle un jour de cette histoire de one-man show, que tu me demandes de quoi j'ai besoin sur scène. Ça risque de réveiller quelque chose en moi où je vais me dire, ah, mais attention, madame, hein, moi, je viens plus, hein. Mais ce n'est pas le lendemain. Et donc, je remonte dans la conversation pour essayer de voir un peu ce qu'on s'était dit. Et comme je rentre sur Facebook, parce que je n'ai pas l'habitude de lire les messages sur Facebook, je vois une dame qui m'a écrit « Salut, je viens te voir demain dans tel comédie club, je ne te connais pas, hâte de te découvrir et tout. » Et au fond, elle avait fait une vraie com, mais elle ne m'en a jamais parlé. Donc, je me suis retrouvé pareil dans le statut pas professionnel. Et voilà, là, c'est pas volontaire parce que les artistes, attention, qui font les sales coups volontairement, tu vois. Là, toi, non, c'était un oubli, et je pense que c'est un petit peu sa faute. Toi, t'as... Bien sûr que c'est de sa faute, parce qu'après, moi, je suis reparti à Paris. Quand je suis reparti à Paris, je suis allé la voir, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée, je lui ai demandé pardon. Et quand elle s'est bien calmée, et j'ai joué dans son comédie club, et quand elle s'est bien calmée, je lui ai dit, mais. Eh bien, on en parle une seconde de 8 mois, on ne se parle pas, et au bout du lendemain, je lui dis, mais la moindre des choses même, tu as vendu des places, mais écris-moi, voilà, si tu es bien arrivé, juste essaye de savoir si je suis bien arrivé, tu ne peux pas m'écrire le lendemain. Je lui dis, pourquoi le jour même, tu ne m'as pas écrit, voilà, si tu es où, la salle est pleine, le jour même, ça aurait peut-être, je ne sais même pas ce qu'ils ont dû se dire sur scène. Ah ben écoutez, il nous a fait un blanc, il n'a même pas appelé, il n'a rien dit. Les gens, ils ont payé leur place, ils sont venus me voir et je suis pas là et je suis même pas au courant. Entre-temps, moi, je vais faire un film sur Netflix en Côte d'Ivoire. Qu'elle te contacte même, ne serait-ce qu'un mois avant, un mois, du style, tu as pris tes billets, est-ce que tu as besoin que je vienne te chercher à l'aéroport? C'est ça. J'ai un festival Afrique du Rire. Quand j'ai des humoristes qui doivent venir jouer dans le festival, ben je leur parle pendant tout le mois. Et alors, est-ce que ça se prépare? Et fais-moi une vidéo pour dire que tu viens. Et fais gaffe, n'oublie pas ton vol. Et j'ai mon frère, mon propre frère, qui s'occupe de la gestion artistique, billets de vol, etc. Et c'est lui qui leur dit, attention, ne manquez pas votre vol. Vous devez être à l'aéroport à telle heure. N'oubliez pas votre passeport. Est-ce que vous avez pensé à faire vos visas? Tu vois, il faut qu'il y ait un suivi derrière. Ben oui, bien sûr. Tu ne peux pas, 8 mois, ne pas me donner de nouvelles, quoi. Et le pire, c'est que quand je suis remonté dans la conversation, en fait, c'est comme si tous les deux, on est en tort. Même moi, je suis un peu en tort, parce que même moi, je lui dis, oui, ça me plairait, etc., etc. Mais derrière, je vois que la conversation a eu lieu il y a presque un an, quoi. Et l'humoriste, alors, le pire, c'est que l'humoriste qui m'avait mis en contact avec elle a pété un câble sur moi, elle aussi, en me disant, t'es pas professionnel. J'ai dit, ouais, je sais, on me l'a déjà dit. Oh, là, là. Oh punaise. Et elle t'a pas, si tu veux, elle t'a pas accordé le bénéfice du doute, comme quoi tu avais oublié ou... Non, j'ai même pas cherché à rentrer avec elle. Donc tout ça, comme je t'ai dit, tu sais, en Afrique, on règle les problèmes différemment. Je suis allé, je l'ai prise dans mes bras. Elle peut être ma mère, cette dame. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai fait un bisou sur le front. Je lui ai dit, je suis désolé, vraiment. Pardonne-moi si je t'ai mise dans la merde. Mais après, quand elle s'est bien calmée, qu'on a bien rigolé, là, je lui ai dit, bon, viens maintenant, on parle un peu de toi aussi, ton cas, quoi. La prochaine fois que tu as des humoristes qui viennent, pardon, essaye de leur écrire de temps en temps pour savoir même s'ils ne sont point décédés. Surtout après 8 mois, quoi. Ils demandent au moins un bilan sanguin quelques semaines avant. Ou... C'est ça. Oh, mais je comprends tout à fait. Mais malheureusement, ouais, c'est un truc. On a souvent des plans comme ça qui se dessinent des mois à l'avance, des fois même une année à l'avance ou quoi. Donc, on ne peut pas toujours tout penser à tout. Il faut noter, bien évidemment. Mais je pense que c'est l'organisateur, surtout vu que c'est lui sur qui ça repose, c'est surtout à lui de s'assurer que la personne a bien tout ce qu'il fallait, qu'elle a bien noté, qu'elle a besoin de rien. Au niveau, par exemple, technique, fiche technique, tu vois, dire, tu vas jouer ton spectacle, de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as besoin de lumière spécifique? Est-ce que tu as besoin de passer du son et tout, voilà. Normalement, c'est les organisateurs qui devraient faire ça. Mais là, en l'occurrence, elle n'a rien fait et elle s'attendait à ce que tu débarques directement. Mais en tout cas, c'est pas grave, on n'est pas des professionnels. Et on restera comme ça. On est des non-professionnels, mais sincères. Moi, franchement, ça m'a fait mal sur le moment parce que, tu sais, moi, quand ça m'est arrivé, je te dis, c'était le soir où tous mes copains d'enfance et une partie de ma famille et tout étaient venus me voir. Et là, je me fais engueuler comme un enfant devant mes proches, quoi. Ça c'est dégueulasse. Ouais. C'est dur. J'y suis jamais retourné. Enfin, pendant plusieurs années, j'y suis pas retourné. Et après, quand j'y suis retourné, j'ai fait la première partie d'un ami là-bas. Et quand j'y suis retourné, j'espérais juste la recroiser, tu sais. Elle était là. J'étais là. La vie va t'offrir ta revanche. Oh. Et tu pourras l'engueuler aussi. Tu sais, moi, j'ai une prof qui m'a vraiment pourri mon enfance quand j'étais à l'école. Tu sais, aujourd'hui, moi, je suis père de famille aujourd'hui. Et si demain, je sais que mon enfant a un problème avec le prof, je ne remettrai pas en cause tout de suite le comportement de mon enfant comme l'ont fait tous nos parents. Je remettrai des fois en cause la pédagogie du prof. Parce que j'ai eu des profs qui ne m'aimaient pas et qui le montraient, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir ces profs-là dans mes spectacles au premier rang. Et je peux te garantir que je leur ai fait passer le pire spectacle de leur vie. Le bouc émissaire idéal, la personne sur qui tu t'acharnes, où tu fais rire, mais la salle sur elle. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça en plus. Mais quand c'est une revanche que la vie m'offre comme ça, on appelle ça penalty, tu ne dois pas rater. Ah, j'ai mis une lucarne, une droite, un hypercute et un but, frère. Tout ce que tu peux imaginer. Et le fameux, je suis descendu, je lui ai dit chewing-gum, elle l'a enlevé de sa bouche. elle mangeait un chewing-gum, un machin, un chewing-gum. Ah, j'ai dit, en classe, vous nous enlevez nos chewing-gums, vous croyez qu'on va vous laisser les vôtres ici? Et les gens se pliaient de rire. Et j'ai expliqué à tout le monde, à la fin du spectacle, que c'était une prof qui a marqué mon enfance, même si elle ne l'a pas marqué forcément du côté positif, elle l'a quand même marqué, que je la remerciais d'être venue aujourd'hui au spectacle et que j'espérais que sa pédagogie avec les élèves avait changé. Toute la salle a applaudi pour dire qu'elle lui a mis une droite sans l'insulter, quoi. Et elle était très, très, très mal à l'aise. Ah, je pense qu'elle n'est plus revenue à mes spectacles. Elle doit voir mes vidéos sur Facebook parce qu'elle aime ce que je fais. Tant mieux. Elle regarde, mais à distance maintenant. Elle regarde à distance. Elle. Corona l'a bien arrangé. Elle s'est dit, ah, bah, super, et bah, tout le monde va regarder de loin comme moi. Moi, j'attends la petite revanche que j'ai eue. En fait, moi, ma petite revanche, moi, c'était vraiment à un tout petit niveau. Mais c'est le fait qu'elle m'ait dit, tu ne reviendras plus jamais jouer ici. Et j'ai réussi quand même à faire une première partie. Donc, j'ai joué là-bas. J'ai même fait deux trucs. J'ai fait une première partie et j'ai fait un plateau là-bas, tu vois. Donc, quelque part, j'ai réussi à y retourner malgré son avis. Et voilà, après, on ne s'est plus jamais reparlé. Mais pourquoi c'était la propriétaire? Non, c'était une humoriste, mais qui était genre un peu pensionnaire des lieux, tu vois. C'était un peu elle qui avait creusé le sillon de l'humour dans ce café-théâtre. Bon, très honnêtement, moi, j'ai vu ce qu'elle fait. Ça ne me plaît pas du tout. Après, elle a sûrement un public, mais... Je vois pas. Je sais même pas si elle a continué l'humour depuis. Moi, tu sais, je m'en fiche. Moi, je continue. Je respecte tout le monde. Et là, elle m'avait vraiment trop maltraité. Tu vois, si elle m'avait dit, Sofiane, s'il te plaît, tu sais, genre qu'elle ouvre la porte du spectacle, qu'elle avait fait, Sofiane, s'il te plaît, dépêche-toi. J'aurais fait, ah, pardon, excuse-moi. J'aurais même présenté des excuses. Et après, j'y serais allé. Tu ouais, vois, mais surtout, elle n'a pas à venir te mal te parler devant tes proches, quoi. Ces gens-là sont en train de te soutenir. Et puis surtout que tu me dis que c'est une humoriste en plus qui fait ça. Elle est stupide, cette femme. Ouais, mais ben, moi, franchement, j'ai trouvé ça stupide de sa part. Surtout que c'est pas comme s'il y avait genre un truc à Quartz et tout pour voir l'heure qu'il est, pour savoir quelle heure il faut pas dépasser. J'avais aucun repère temporel. Quand on est sur scène, je pense que t'es le premier à le savoir, mon frère. Quand tu maîtrises pas encore ton spectacle tout à fait, moi j'étais dans les premiers mois de jouer le spectacle, tu vois. Quand tu maîtrises pas encore ton spectacle, tu sais pas réellement combien il fait parce que un coup les gens rigolent plus, un coup tu pars en impro, tu vois. Et moi, je ne savais pas où j'en étais. S'il y avait eu une montre et que j'avais dépassé l'heure exprès, j'aurais compris. Mais là, je ne savais pas. Je n'avais aucun repère spatio-temporel, on va dire, tu vois. Enfin, temporel, en tout cas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça, je connais tellement parce que j'ai eu plusieurs fois ce problème-là. Au début, tu n'as pas de repère de combien de temps ça fait. C'est après qu'il faut trouver les bonnes techniques. Et l'une des meilleures techniques, c'est de se dire, je vais faire la répète à la maison et il faut que ça fasse moins de 10 minutes si on me donne 10 minutes. Il faut que je fasse 8 minutes, comme ça, bah, les 2 minutes, c'est réaction publique, impro, et je reste au moins dans mes temps. Et même si je dépasse d'une minute. Mais moi aussi, on m'a déjà donné 10 minutes et je suis ressorti, on m'a dit, t'en as fait 24. Je dis, ah ouais, ça passe vite. Comment ça passe vite le temps? C'est ça, j'ai le même problème aussi. Et malheureusement, c'est parce qu'on aime être sur scène. Tu t'en rends pas compte. C'est ça. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir prendre ma revanche sur elle et de revenir là-bas. Et on s'est regardé. Ouais. J'ai lu dans son regard le « Mais comment t'as fait pour rentrer, toi ?» Tu vois. Ah ouais. J'étais trop content. C'était une belle revanche. Oui, mais c'est ça. Bon, c'est la vie, le karma, c'est quelque chose. C'est ça, ah bah oui, de toute façon la roue tourne, hein, c'est ça, hein. Si tu fais du mal, ça te reviendra dessus et les personnes contre qui tu t'acharnais, peut-être que c'est elles qui auront la main sur toi à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, exactement. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, Alhamdoulilah, c'est ça, on remercie Dieu dans tous les cas, on dit Alhamdoulilah ala kulli hal, c'est-à-dire la louange est à Dieu dans toutes les situations et puis voilà, nous on essaye de ne pas faire de mal, on essaie d'être des bonnes personnes et puis les autres ils font ce qu'ils veulent et on verra bien, de toute façon tout finit par se payer et autant les bonnes choses que les mauvaises, tu sais, quand tu fais des bonnes choses autour de toi, après elles te reviennent, quand tu fais des mauvaises choses, elles te reviennent, tout simplement. Exactement, tu as tout dit. Merci, c'était un vrai plaisir. Tellement partagé, Sofiane, tellement partagé, je te jure. J'aime beaucoup ce que tu fais. En plus, on se connaît bien, on est potes. Je connais tes enfants, tu connais les miens. Donc, il y a de l'amitié, quoi. Donc, c'est vraiment merci. Partagé. Le plaisir est très partagé, mon frère. Merci beaucoup. C'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir dans le podcast. Surtout que je sais que tu es un baroudeur de l'humour. Parce qu'il faut préciser, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un humoriste marocain qui vit en Côte d'Ivoire et qui joue principalement dans les pays d'Afrique. Tu es venu en France et déjà également. Tu as fait également Montreux. Et d'ailleurs, je vous demande, je vous en supplie, allez voir son sketch. Vous tapez Wallace et vous tapez Faux Fouillé. C'est vraiment l'essence de son personnage qui se trouve dans ce sketch, le sketch où tu racontes tes galères à travers les différents aéroports que tu es amené à. Exact. Voilà. Et c'est vraiment génial. On voit ta capacité à jouer, à faire de l'improvisation, à être un peu dans l'autodérision, et puis ton regard bienveillant en fait sur le dysfonctionnement quelque part de ce que tu vois autour de toi, vraiment c'est beau quoi. Et merci infiniment. Bah oui, ton jeu de comédien, moi je le vois, le, tu sais, quand tu fais le faux fouiller, tu vois, moi je le vois, moi le douanier. Je le devre moi quand je vois ça, c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Wallace, partout c'est Wallace. Ok, bah je mettrai Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, pareil. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.